On va parler des Saguenay de Chicoutimi avec notre collaborateur Sébastien Morin. Ça va bien maintenant pour les Saguenay. Ça doit certainement mieux aller dans l'entourage de l'équipe du côté moral. Salut Sébastien! Sébastien, je me trompe pas en disant que ça va mieux dans l'entourage de l'équipe. Certainement, les victoires, ça fait foi de tout, hein? Exact. C'est quasiment rendu plate. Non, on gagne souvent chez les Sags. Non, blague à part. Ça fait du bien, oui, au moral de tout le monde. En fait, le moral était pas si pire que ça, malgré la séquence de 9 défaites pour débuter la saison. Je sais que ça peut paraître peut-être bizarre aux yeux et aux oreilles de certains partisans, mais il fallait pas paniquer avec le début de saison, on va le dire, catastrophique là, des hommes de Yannick Jean. On savait que ça allait être difficile. Tout le monde était au courant de l'organisation. De là avoir 9 défaites accumulées au tableau, peut-être pas, mais il n'y avait rien de surprenant aux performances que l'on voyait sur la patinoire. C'est un processus d'amélioration du jour 1 versus les derniers jours de la saison. Puis jusqu'à présent, ben ça paye. Le week-end en Abitibi a été un peu une fin de semaine charnière, je dirais, pour l'ambiance, pour l'esprit d'équipe. Ça a soudé les liens entre les joueurs. La fin de semaine suivante, de retour au Centre Georges Vézina, 2 victoires contre les équipes des Maritimes, puis ça s'est poursuivi la fin de semaine dernière contre les Islanders de Charlottetown par Jeublin ici au Centre Georges. Et hier, ouais, à Rimouski, une super victoire de 3-2. Jamais facile d'aller gagner les matchs. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans l'équipe? On fait mieux les jeux d'exécution, quoi? C'est quoi la différence? En fait, c'est que, contrairement au passé, je pense que les gars commencent à comprendre c'est quoi jouer pour les Saguenay de Chicoutimi, de se battre pour ce magnifique chandail, cette magnifique région, de se défoncer pour ses partisans. Ça paye les Frédéric Allard, les Nicolas Roy, les Gabriel Boudreau, les Julio Bilia sont les meilleurs joueurs sur la patinoire. Ça aide à transporter une équipe de hockey. Nicolas Roy est encore exceptionnel en fin de semaine. Julio Bilia, 2 victoires en autant de départs. Moyenne de buts alloués à 2 parce qu'il a accordé 2 buts du côté de Rimouski. J'espère qu'il sera considéré au moins pour les étoiles de la semaine dans la LHJMQ. C'est que les vétérans sont bons. Les recrues ont retrouvé un peu leur place dans la hiérarchie des SAGS, c'est-à-dire jouer 5e, 6e défenseur au lieu de jouer 2e et 3e défenseur. Ça aide le travail de défenseur de 16 ans. Ça paraît sur la patinoire. Garrett Johnson, son acquisition, est-ce que ça l'a aidé aussi, ça? C'est un vétéran de 20 ans, ça a dû stabiliser aussi. L'impact s'est fait dès le premier match contre son ancienne équipe, d'ailleurs, les Wildcats de Moncton, qui a marqué son premier but de la saison. Okay. Dans l'uniforme des Sags contre son ancienne équipe. Ce que ça a permis de faire, c'est de reculer un peu, justement, certains défenseurs. Puis la surprise de tous, là, c'est Louis-Philippe Simard. Joue avec Frédéric Allard depuis le week-end en Abitibi quand Julien Carignan a donné une grosse mise en échec à Julien Gauthier, pardon. Ça a donné une suspension de ses matchs. On avait besoin d'un défenseur en Abitibi, puis il a tellement bien fait qu'il est resté là, joue avec Frédéric Allard, puis n'a pas l'air d'un gars qui a joué seulement un an défenseur dans les rangs, puis oui, il y a de ça très longtemps. Il fait du gros hockey. Le retour d'Arthur Maltsef en fin de semaine et Carignan qui va revenir dimanche prochain. Par la suite, on aura une défensive complète chez les Sags, puis il y aura une belle compétition à l'interne entre les 3 défenseurs de 16 ans, Mekhaïzak, Groslo. Avant de parler du résumé des 2 matchs, il y a un gars qui vient d'ici, qui a joué, c'est Jean-Simon Bélanger. C'est sûr que Jean-Simon Bélanger, il doit avoir un rôle vraiment de soutien, mais comment il se comporte quand il est sur la glace? Il a très bien fait, hein, vendredi, particulièrement dans le match semaine au Centre Georges, il a démontré de belles habiletés, une belle vitesse, une implication physique soutenue. Justement, c'est pas facile pour un jeune du midget 3 à arriver. Puis honnêtement, les Islanders de Charlottetown, les adversaires de vendredi à son premier match, sont très, très gros comme équipe. Tu sais, un jeune homme, son premier match dans la LHJMQ, aurait peut-être pu avoir un peu peur ou s'en laisser imposer par l'équipe adverse, mais ça n'a pas été le cas. Il a eu des minutes importantes en début de match. En deuxième, à un moment donné, on l'a vu peut-être un peu moins présent sur la patinoire, mais en fin de rencontre, quand la victoire a été confirmée, Yannick Jean a envoyé tous ses jeunes éléments sur la patinoire pour service rendu un peu plus tôt dans la rencontre. Très bien fait, honnêtement, a laissé une belle carte de visite. Ce sera pas surprenant de le voir débarquer avec les Sags avant longtemps, c'est-à-dire peut-être en fait qu'il y a des échanges qui sont faits, ou encore l'année prochaine. Okay. On va parler de cette belle victoire contre Charlottetown. Oui. Charlottetown, écoute, ça a été un gros match. Les 10 premières minutes, Les tirs au but, c'était 10-2 pour les Islanders. Les Sags qui ont encore une fois pas paniqué. Ça me surprend parce que d'habitude, les équipes jeunes, le mot d'ordre de certains entraîneurs, ça avait été le cas en Abitibi, ça avait fonctionné. Les Islanders avaient essayé d'appliquer la même médecine. Les Wildcats, les Screaming Eagles, c'est de sortir fort, ouais. C'est-à-dire de frapper tout ce qui bouge en début de match, puis essayer de s'imposer sur la patinoire. Ça n'a pas été le cas. Les Sags qui ont profité du premier avantage numérique dans le match pour inscrire le premier but. Puis par la suite, ça a été un changement. Le vent viré de bord, puis les Sags qui ont pas dominé, mais qui ont contrôlé le reste de la rencontre. C'était beau à voir. D'apprendre à gagner, d'apprendre à conserver des avances, d'apprendre à protéger un jeu blanc pour ton gardien qui te rend de fier service depuis quelques matchs. C'était important, puis ça a été mission accomplie dans le match de vendredi. Hier, Harry Mouski, tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est pas facile de gagner là-bas, puis finalement, d'une belle victoire de 3-2. Exactement. Le CNX, je pense que c'était 6 matchs de suite avec autant de victoires à domicile. Dans les dernières années, tu sais, ça fait 4 ans que je suis descripteur des matchs des Sags, que je voyage avec l'équipe. Aller là-bas, c'est jamais évident. Ils jouent très bien à la maison, le CNX de Rimouski. Ils sont bien coachés. C'est une équipe qui a quand même des vétérans assez solides. Ils ont eu quelques petites lacunes hier dans le match. Le gardien Turcot qui a été quand même bon. Avait pas un gros début de saison, mais il a très bien fait ça. Mais les Sags qui ont été un peu meilleurs ont réussi à profiter de toutes les chances qui s'offraient à eux. L'avantage numérique, par contre, a été un peu décevant hier, contrairement aux autres matchs. Ont été tenus à l'écart de la feuille de pointage. Mais encore une fois, Gabriel Boudreau, Nicolas Roy, ces gars-là qui ont marqué des gros filets. Nicolas Roy, en troisième période, avec moins de 4 minutes, après un retour de lancer. Tu sais, son travail à Nicolas, c'est pas de déjouer les équipes adverses, c'est pas de dissimuler les défenses. C'est d'aller se placer en avant du net. Il mesure 6 pieds 4, pèse plus de 200 livres, est capable de brasser et fort physiquement cette année, beaucoup plus que l'an passé, il y a 2 ans. Ça paraît, capable de déplacer les défenseurs, de supporter les attaques des défenseurs adverses, justement, qui essaient de le déplacer dans le demi-cercle. Vendredi, contre les Islanders, a fait une superbe passe sans regarder. Une passe à l'aveuglette entre ses jambières pour Jonathan Boursier en avantage numérique. Ça a donné un but. Puis, c'était pas un avantage numérique en fin de troisième hier, mais il a pris justement un retour de lancer en faisant un petit peu de l'obstruction visuelle sur le gardien. Puis, écoute, il va remplir la feuille de pointage s'il s'en tient à ça d'ici la fin de la saison. Puis, c'est nous autres, les partisans, puis l'organisation qui va bénéficier. Nicolas Roy, c'est la différence entre une saison potable et une saison très ordinaire. Exactement. Puis, tu sais, il le sait, puis tout le monde lui dit, hein. Tu sais, Nicolas, il sera jamais un joueur, je pense, de premier trio dans la Ligue nationale de hockey. Mais comme troisième centre dans une équipe, là, tu sais, quelqu'un qui est capable de jouer autant des missions offensives que défensives, c'est un joueur complet, Nicolas Roy. C'est pas le talent le plus exceptionnel du côté de l'attaque, mais toutes les petites choses sur une patinoire, il le fait supérieur aux autres. Si on laisse jouer, si on laisse manœuvrer, si on l'entoure bien, ça va payer. Puis dans le futur, c'est lance la rondelle au filet, récupère tes retours de lancer, joue physique autour de la zone payante, là, où ça fait mal, puis finalement, il va récolter des points, puis ça sera bénéfique pour lui, pour faire durer sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. C'est un Jordan Staal. Moi, j'ai bien aimé la comparaison avec Jordan Staal, puis je pense qu'elle est juste, hein? Oui, ça ressemble pas mal à ça. C'est un gars qui est capable de jouer des 4 coins de la patinoire, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest. Excellent au point de mise en jeu. C'est de plus en plus important. Contrôler la rondelle, contrôler le temps de jeu. Ça évite les chances de marquer des équipes adverses. Et défensivement, il est excellent. Peut jouer en désavantage numérique. Peut jouer en avantage numérique. C'est un joueur complet. Les Hurricanes de Québec vont être très contents de l'avoir dans leur alignement plus tard. Donc, en fin de semaine, ça ressemble à quoi pour la prochaine semaine des Sags? Semaine de la rivalité dans la LHJMQ, toutes les équipes de proximité s'affrontent. Là, les Sags, c'est le Drakkar de Bécomo, les rivaux naturels. Vendredi soir au Centre Henry Lennard à 19h30, puis dimanche ici, le 25 octobre à 15h, pour le deuxième d'une série aller-retour de 2 dans la même fin de semaine contre les rivaux de Drakkar de Bécomo. Dans le passé, on allait là pour se faire battre à Bécomo. Cette année, je pense qu'on se doit de revirer ça de bord pour profiter des 10 matchs qui s'offrent à nous contre le Drakkar, qui sont en bas de nous, classement général maintenant, dernier dans la LHJMQ. Faudra profiter quand on va se présenter au Centre Edwin Lennard. Ça débute vendredi. On s'en reparle lundi prochain, Sébastien. Avec le descripteur des matchs des Saguenay, Sébastien Morin.